c'est parti, jingle. Join me on R.I.G. Saurais vous dire quel plaisir j'ai de vous retrouver ici sur RIG 90.7 pour la saga des Fab Four, une saison de plus, la 36e saison, puisqu'en 2020, ça fera 36 ans que j'ai démarré cette saga. Quelque part, on a commencé à Bordeaux, je ne sais plus dans quelle radio, ça fait tellement longtemps. Et de radio en radio, et bien depuis 14 ou 15 ans, on est ici sur RIG 90.7, sur www.rigfm.fr, et tout se passe bien. Donc, nous allons aller très très vite parce qu'on a des tonnes de bonnes musiques à vous faire écouter. D'abord, l'album de la semaine, c'est Coming Up de Paul McCartney, sorti en 1980. On écoutera forcément Coming Up. Il y aura également Temporary Secretary, On the Way, Waterfall, Nobody Knows. Et on terminera par Blue Sway. J'aime cette chanson. Et donc, ce sera pour l'album de la semaine. Il y aura également du Harrison, du Lennon, du Starr et des Beatles. Pour Harrison, If Not For You sur l'album All Things Must Pass de 1970. John Lennon chantera Cripple Inside sur Imagine en 71. Et un an auparavant, Ringo Starr, sur l'album Bokoops of Blues, nous chantera la chanson éponyme Bokoops of Blues. Pour les Beatles, ce sera ce fameux titre sorti au mois d'octobre 1962 qui marque le début de la Beatles Mania. Love Me Do, ce sera pour les Beatles. Voilà. Eh bien, on se rejoint sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. J'espère que vous êtes encore plus nombreux à l'écoute que vous l'étiez l'année dernière et que l'année prochaine, vous serez encore, encore, encore plus. Merci à tous et à toutes. Et voici Paul McCartney et cette fameuse chanson sur laquelle John Lennon a dit « C'est du bon boulot, j'aime bien ce qu'il fait. Coming up sur RG. » ce clip extraordinaire dans lequel Paul McCartney interprète tous les personnages qui sont dans le groupe pour jouer cette chanson Coming Up, et notamment un Paul McCartney de 1963, alors que nous sommes en 1980. Cette chanson a une très belle version avec Olivia Newton-John, mais là, c'est la version d'origine, celle de George Harrison sur RG. Not for you. Not for you.

Angleterre, Love Me Do fut le premier 45 tours et le premier succès des Beatles, 17e place seulement, mais c'était le début. La chanson, tout comme l'image du groupe, fut une bien étrange surprise pour une génération qui avait dû se contenter durant les 3 années précédentes d'une musique insipide, chantée par des garçons aux cheveux courts et aux sourires éclatants. Love Me Do est une composition de jeunesse signée Paul, dont les paroles sont aussi simples que faire se peut. Les mots sont presque tous monosyllabiques et Love est interprété 21 fois. Le message est simple, je t'aime, alors aime-moi. Quelque chose différencie pourtant Love Me Do des bluettes adolescentes qui encombraient la radio à l'époque. L'empreinte du gospel dans le chant que souligne l'harmonica de John et l'étonnante mélodie des harmonies vocales. John joua de l'harmonica, sur cette chanson-là et aussi sur les deux 45 tours suivants, Please Please Me et From Me to You, ainsi que sur 6 autres morceaux dont Little Child sur l'album suivant With the Beatles et I Should Have Known Better dans Hard Day's Night. Il l'utilisa pour la dernière fois en studio en août 64 pour I'm a Loser dans Beatles for Sale, considérant ensuite que l'harmonica était devenue un effet sans surprise. Et chez les Beatles, au bout d'un moment, on aime changer, on aime faire autre chose. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette chanson-ci, Love Me Do. On revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Coming Up par Paul McCartney en 1980, qui signe la fin des Wings, puisqu'il a eu un problème en allant au Japon, il s'est fait prendre avec un petit peu d'herbe qui n'était pas légale. Il a eu quelques jours de prison et du coup, la tournée des Wings a été annulée et McCartney a dit « Puisque c'est comme ça, je vais continuer, mais sous mon nom à moi. » Je résume, je résume. Et donc cet album qui est excellent, qu'il a enregistré chez lui, tout comme il avait fait le premier McCartney, s'appelle McCartney 2. Et voici cette deuxième chanson, Temporary Secretary, sur RIG. En concert, elle donne vachement bien. Find for me someone strong and sweet fitting on my knee. She can keep her job if she gets it wrong. Ah, but Mr. Marks, I won't need her long. All I need is help for a little while. We can take dictation and learn to smile. And a temporary secretary is what I need for to do the job. I need a she can be a diplomat, but I don't need a girl like that. She can be a neurosurgeon if she's doing nothing urgent. What I need's a temporary, temporary secretary. Temporary. called my doctor to see what's the matter. He said, come on over. I said, do I have to? My knee started shaking, my wrist started aching. When my doctor said, My Mind, Ringo Starr sur RIG. Il est 20h32. À l'instant, c'est pour vous prouver qu'en direct, vous êtes peut-être en train de manger. Peut-être êtes-vous en train de manger une des meilleures crêpes de la région, un Twist and Crêpe qui se trouve à Talence. C'est le seul restaurant qui, dans lequel vous mangez des crêpes, mais grâce auquel vous écoutez les Beatles, puisque eux diffusent les Beatles tout le temps, à tous les services. Mais le mercredi soir, c'est le seul restaurant, à ma connaissance pour l'instant, qui diffuse la saga des Fab Four. Donc bonjour à tout le monde. Mangez bien. J'espère que tout se passe bien. Et la prochaine chanson, c'est pour toutes les belles filles. George Harrison en 1976 avec cette belle chanson Beautiful Girl sur RIG. Une chanson que vous me permettrez de dédier à Alexandra si elle écoute un jour. Never seen such a beautiful girl sur RIG. No. rester dans l'amour avec une chanson très très douce qui commence tout doucement. Love de John Lennon. Écoutez, c'est vraiment très très bas. Nous sommes en 1970 sur l'album Plastic Ono Band. Écoutez les paroles. Évidemment, quand j'ai voulu vous préparer cette émission, la saga des Fab Four, de rentrée, le premier titre, le premier album qui m'est venu à l'idée, vous pensez bien. Oui, c'était Back to the Egg. On en écoute un extrait juste pour le plaisir. What did you do when you made the deputy sheriff? Well, we were after a man who was apparently been doing something. Les 40 ans de Back to the Egg, alors est-ce qu'il va y avoir un nouvel album, enfin une ressortie? Oui, c'est sûr. Encore un peu? Allez, encore un peu, mais juste pour vous. Say you don't love him, my salamander. Why do you need him? Oh no, don't answer. Oh no, I'm getting closer. Getting closer to your heart. le plus dur pour moi, c'est de laisser cet album-là sur le côté. On le retrouvera de toute façon au cours de l'année, c'est certain. Sans doute quand il y aura le coffret. D'ailleurs, il y a un autre coffret qui se profile à l'horizon. Hein. Le 27 septembre, le coffret Abbey Road, avec des versions que vous ne connaissez pas, que je ne connais pas non plus. On en écoutera quand même un extrait, il me semble. Oui, il y a le Something, la démo, et le remix 2019 qui seront là au cours de cette saga des Fab Four. Donc restez avec nous. J'espère que depuis toutes ces années ensemble sur 90.7 et puis sur d'autres radios aussi, eh bien je vous ai donné envie d'approfondir votre connaissance de John, Paul, Ringo et George, parce que ces quatre-là sont vraiment des gars absolument fabuleux, et je dis bien tous les quatre. On the Way, c'est extrait de l'album de la semaine, c'est Paul McCartney sur RG. 1980, l'album McCartney 2. Well, you know I always loved you, but it would have been a lie if I said that I didn't need you. Every moment that I tried, wouldn't want to see you crying. So send all my

Il avait l'impression que le neuf avait beaucoup d'influence dans sa vie. Vous êtes sur RIG 90.7, c'est la radio des Beatles. Saga des Fab Four commente en disant « Ah, Bawakawa, faut pas pousser, pousser ». C'est vrai que s'il y avait une version française, peut-être qu'on aurait chanté « Ah, Bawakawa, faut pas pousser, pousser ». C'est une chanson hypnotique qui flotte dans l'air de manière enchanteresse dans l'espace qui sépare le sommeil paisible de l'éveil angoissé. Yesterday était venu à Paul dans son sommeil, ou du moins sa mélodie, sur laquelle il a chanté les mots « scrambled eggs », brouillés jusqu'à ce qu'il trouve mieux, heureusement. Et certaines des chansons de John avaient la même origine. Il n'eut pas à chercher loin la mélodie puisqu'il se contenta de recycler sa partie de guitare sur la version de Nilsson de Many Rivers to Cross. Il s'éveilla un matin et dit à Mei Peng, avec qui il était en 1974, dont Yoko Ono était absente, qu'il avait rêvé de deux femmes appelant son nom et avait également entendu l'étrange refrain « Ah, bawa kawa, poussé, poussé » dans le texte. Le sens de ces mots restait obscur, mais les deux esprits féminins ne pouvaient être que Mei et Yoko. Lorsque John enregistra la chanson, qui conserva longtemps son titre provisoire « So long », les premiers mots des paroles, d'ailleurs, si on... écoute bien. Mei Peng fut invité à chuchoter John au moment opportun. Il y a également murmuré Hare Krishna George pour saluer le vieux camarade de John avec lequel il venait d'avoir l'une de ses disputes périodiques. La guitare céleste est de Jesse Ed Davis et d'ailleurs certainement un hommage conscient au style de George Harrison. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette belle chanson. Et puisqu'on a parlé de George Harrison, je vous propose de retrouver une chanson qui a été écartée de l'album de 1981 sous prétexte qu'elle n'était pas terrible. Eh bien, désolé les gars à la Warner Bros, parce qu'à l'époque, c'était sur Warner Bros. Vous aviez mal jugé, c'était une belle chanson. Heureusement, elle est sortie plus tard. Voici Flying Hour sur RIG. 2, 1, 2... Those good old days. C'est vrai que ça sent les années 80, mais justement, c'est sorti en 1980. Enfin, non, ça n'est pas sorti en 1981. C'est sorti plus tard, puisque cette chanson a été rejetée de l'album. Vous avez pris des notes, j'espère. Si nous revenions à l'album de la semaine, sorti lui en 1980, l'album c'est McCartney 2. Je ne sais pas pourquoi, il me semble qu'au début de la saga, j'ai dit que c'était l'album Coming Up. Non, non, c'est l'album sur lequel il y a Coming Up. Mais l'album s'appelle bien McCartney 2. Et c'est du bon Paul McCartney en solo avec une belle voix. Et cette très belle chanson, par exemple, juste après le jingle Waterfalls sur RIG. Paul McCartney. Ça manquait un jingle avec Paul McCartney dessus. Jumping waterfalls, please keep to the lake. People who jump waterfalls sometimes can make mistakes. Like a second need. J'aimerais bien, moi, savoir faire ça chez moi avec mon matériel. Bon, j'ai pas le clavier, j'ai pas le talent, et voilà, je peux faire des émissions radio, ça, à la maison, c'est possible. Mais créer une chanson, la chanter comme ça, non, non. Paul, lui, il peut. Voilà. Il est temps, à 21h11, de parler de la cover, comme chaque année, c'est en 17e chanson, et c'est une chanson qui a été reprise par quelqu'un de connu ou pas, ça peut très bien être vous, je pense que j'essaierai de vous en prouver, vous en donner la preuve, 26 cartes, parce qu'il doit me rester dans mes affaires des chansons, des reprises des Beatles chantées par des personnes inconnues, et qui sont très très très très très bien. Mais c'est des chansons chantées par John, Paul, Ringo, George, que ce soit avec les Beatles ou en solo. Même si eux-mêmes, à l'origine, faisaient déjà une reprise. S'ils ont chanté ça, la cover, eh bien ça vient de là. Même si quelquefois, ils ont chanté la chanson avant, comme par exemple en 1989, sur l'album Journeyman, Eric Clapton, puisqu'il s'agit de lui, chantait une chanson qui ne sortira que sur l'album Brainwashed en 2002 de George Harrison. Mais il l'a chantée en 1989, puisque George Harrison lui a donné la chanson. Voici Run So Far, la version de Eric Clapton sur RG. And I sigh. sais que vous rêviez d'écouter la version de George Harrison. La voici sur l'album Brainwashed et sur RIG 90.7, la radio des Beatles. Revenons à cette très belle année de 1964, année qui a vu naître des légendes, paraît-il, avec sur l'album A Hard Day's Night cette belle chanson. If I fell in love with you, would you promise to be true and help me? If I fell in love with you, would you promise to be true and help me? Understand, 'cause I've been in love before, and I found that love was more than just holding hands. If I give my heart to you, I must be sure from the very start that you would love me more than her. If I try

Je vous propose, oh là là, dans une demi-heure déjà, ce sera Johnny de A à Z. Ça va être bien, hein. Je dis pas oh là là dans ce genre zut, flûte. Je dis juste que ça passe vite. Déjà bientôt 2 heures en votre compagnie. 1h30 pour l'instant, d'accord, mais bon. Et Eric, est-ce qu'il va se sentir comme s'il était, comme si on recommençait tout? Non, mais voilà pourquoi je l'amène. Je l'amène parce que John Lennon a chanté Just Like Starting Over. Et c'est une de mes chansons préférées, une des plus belles chansons de John Lennon, qui à 40 ans se sentait bien. C'est vrai qu'à 40 ans, je me sentais bien aussi. Bon, c'est différent maintenant. Voici donc extrait de l'album, comment s'appelle-t-il déjà ? Double Fantasy en 1980, Just Like Starting Over, sur RIG. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. I know time flies so quickly. Can we be making love nice and easy? It's time to spread our wings and fly. Don't let another day go by, my love. It'll be just like starting Saga des Fab Four, c'est sur RIG 90.7. Let's go back to the Beatles. Asked the girl what she wanted to be. She said, baby, can't you see? I wanna be famous, a star on the screen. But you can do something in between. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna is all very fine, but I can show you a better time. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car, and maybe I love you. Beep, beep, beep, beep, yeah. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. De septembre va sortir le coffret des 50 ans d'Abbey Road que évidemment je vais me procurer pour vous les amis, mais en attendant voici déjà un extrait, voici la version démo de Something par George Harrison. Something in smile, she knows that I don't need no other lover. Something in her style that shows me I don't want to leave now. You know I believe in how. D'écouter la version de Something qui figurera sur le nouvel album Abbey Road, les 50 ans, qui s'appelle la Super Deluxe Edition. Et je voudrais juste vous signaler que depuis que j'ai la chanson, j'ai fait exprès, ça a été très très dur, c'est le remix 2019, je ne l'ai pas encore écouté, je voulais l'écouter avec vous et au casque pour voir si je sens une différence, si c'est plus pur, s'il y a quelque chose de mieux. Donc on l'écoute pour la première fois sur RIG dans la saga des Fab Four. Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. Style that shows me premier commentaire, c'est, on dirait que ça a été enregistré là, hier, avant-hier, pas il y a 50 ans. Dernier extrait de l'album de la semaine, Blue Sway, un morceau dédié à Julie, qui adore ce morceau. Parce que dans 10 minutes, ce sera Johnny de A à Z, So Wrong for So Long, le country que j'aime tellement dans la bouche de Ringo Starr sur RG. When we first met on the rooftop of that hotel, everyone around us could see we got on well, so we took the elevator. 42nd floor. When we kissed in your doorway, it was like we never kissed before. I was in love again, and I knew that you were too. We spent every night together, nothing was taboo. How could I be so wrong for so long? How could I be so wrong for so long? How could I be so wrong for so long? All the time we spent together so close and true. Could I be so wrong for so long? How could I be so wrong for so long? How could I be so wrong for so long? On essaie de gagner un tout petit peu de temps pour laisser la place à Eric dans quelques instants. Sgt Pepper, Lonely Hearts Club Band. Mais vous le saviez, c'est sur RG, c'est dans la saga des Fab Four. Obtenir à Bordeaux, j'allais dire encore, mais à Paris même, tant pis si c'est pas à Bordeaux, si on pouvait obtenir Ringo qui apparaît sur scène alors que c'est le tour de Paul, et on entendait ça, Paul et Ringo ensemble, on aimerait tellement. What do I do? J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite bonne route à la semaine prochaine. Et je vous laisse entre de très bonnes mains, celle d'Eric pour Johnny de A à Z. Salut, à bientôt, ciao.